次。 Yeah, everybody just talk, nobody really doing. I'm not a やるまでしとけよ秘密に。誰かと確認なんて不要、自分のジャッジだけで break the walls。 ド派手なフェイク、 Yellow より cool、 ニロー、ニクー、 I'm keeping up fight in my life, cause my life is living forever. Freeze and go into your light, your feelings. When times get to love, oh yeah, not a different.

dans la rue, je cherche mon chemin. Je ne le trouve plus, il me paraît bien loin. Je t'ai oublié, tu ne me fais plus rien. Et je pars voyager en pensant à demain. Oh oh oh oh oh oh oh. Tu m'as laissé hier, la fin de la saison. Ce qui ne me tue pas me rend forte. On pourrait en venir aux mains. J'irai bien au soleil. Make me scream.

comédie humaine. Côté cœur, j'avoue, je sais pas me mettre en scène. Dans ma tête, je fais le noir et je m'invente des histoires pour m'évader, changer d'altitude. Accroché à ma solitude, j'en ai l'habitude, j'en ai l'habitude. Rêver, j'en ai l'habitude. Pour m'évader, changer d'altitude. Accroché à ma solitude, j'en ai l'habitude, j'en ai l'habitude. Je dois m'enivrer d'incertitude, vivre sous d'autres latitudes, pour me libérer de ma lassitude. J'en ai l'habitude, j'en ai l'habitude. Rêver, j'en ai l'habitude. Peut-être que dans 10 ans y'aura plus de forêt. Peut-être que la mer se sera évaporée. Peut-être que on essaiera de changer d'air. Peut-être que c'est déjà trop tard pour le faire. Peut-être que on a déjà perdu le combat. Peut-être que on aura tous une puce dans le bras. Peut-être que plus personne dira le mot merci. Peut-être que l'eau s'achètera en pharmacie. Les secondes sont plus longues quand on a la tête sous l'eau. Est-ce que c'est la fin du monde ou le début de nouveau? Non, ça peut pas être la dernière. Dernière, dernière, dernière, dernière, dernière. Ça peut pas être la dernière. Dernière, dernière, dernière, dernière, dernière. Ça peut pas être la dernière. Dernière clope pour un dernier souci. Un dernier anniversaire pour une dernière bougie. Une dernière ensemble, une dernière avec toi. Une dernière nouveauté, une dernière première fois. T'as vu à la télé, ils disent que le monde est foutu. C'est ce que j'ai entendu, mais la pub a fait une coupure. On n'a plus qu'à signer, tout est déjà rempli. Dis-moi qui croire si même l'espoir croit pas en lui. Tout est petit du dernier étage. C'est nous le futur qu'ils imaginaient au Moyen-Âge. Je veux un drapeau multicolore dans cette réalité violente. Du dernier dinosaure à la première voiture volante. Les secondes sont plus longues quand on a la tête sous l'eau. Est-ce que c'est la fin du monde ou le début de nouveau? Non, ça peut pas être la dernière. Dernière, dernière, dernière, dernière. Ça peut pas être la dernière. Dernière, dernière, dernière, dernière, dernière. Ça peut pas être la dernière. Ça peut pas être la dernière. Vous n'avez pas des os en verre. Vous pouvez vous cogner à la vie. Où est-ce que le monde nous emmène? On va vivre quand même. Est-ce qu'on arrive bientôt, bientôt? Où est-ce que le monde nous emmène? On va vivre quand même. Est-ce qu'on arrive bientôt, bientôt? Où est-ce que le monde nous emmène? On va vivre quand même. Est-ce qu'on arrive bientôt, bientôt? Où est-ce que le monde nous emmène? On va vivre quand même. Est-ce qu'on arrive bientôt? Ça peut pas être la dernière, dernière. I've been holding on to pieces, swimming in the deep end, trying to find my way back to you. Cause I'm needing a little bit of love, a little bit of love, a little bit of love. Lately I've been counting stars, and I'm sorry that I broke your heart. It's something that I didn't want for you, but I'm stepping on broken glass, and I know this is my final choice. All I'm trying to do is find my path to you. I got voices in my head.

Afro-Africa. Samina mina, eh eh, waka waka, eh eh. Samina mina, zangalewa, anawa, ah ah. Samina mina, eh eh, waka waka, eh eh. Samina mina, zangalewa, this time for Africa. Amena mechole, biki biki mumbo wa atuzi. Asi tuza mechole, biki biki mumbo from east to west. Fati waka waka ma eh. Thank you. caliente con la fefa. Ella es la jefa, ella lo baila, ella me enseña. Hoy no trabaja, está morena. Fuck la fama, fuck la faena. La noche es larga, la noche está buena. Mambo violento, el fin del problema. Mira que fácil te lo voy a decir, ABC, 1, 2, 3. Mira que fácil te lo voy a decir, que estamos tu mami y no está pa' ti. Mira que fácil te lo voy a decir, ABC, 1, 2, 3. Mira que fácil te lo voy a decir, que estamos tu mami. Yo ando de este chamba a loca. Bajé con un flow nuevo en caja, baby, hackeado. Lo muevo de lado a lado y otro lado. Hoy salgo con mi baby de la disco coronado. Yo ando de este chamba a loca. Que Dios me libre de volver a tu lado. Lo muevo de lado a lado y otro lado. Hoy salgo con mi baby de la disco coronado. Coronado, yeah. Voy a 180 porque suena racimiento. Te distraes, yo te adelanto por la derecha. Voy a 180 porque suena racimiento. Ey, ey. Te distraes, yo te adelanto por la derecha. Thank you.

shine bright like a diamond. Find light in the beautiful sea. I chose to be happy. You and I, you and I, we're like diamonds in the sky. You're a shooting star I see, a vision of ecstasy. When you hold me, I'm alive. We're like diamonds in the sky. Necesito otro beso, uno de esos que tú me das. Está lejos de ti el infierno, está cerca de ti es mi paz. Y es que amo siempre que llegas. Si yo odio cuando te vas, yo me voy contigo a matar. No me dejes sola, ¿pa' dónde vas? ¿A dónde vas? Ven pa' acá. Si me bailas me lo das todo. Oh, oh, oh, ya estamos solos y se quita todo. Mis sentimientos no caben en esta pluma. Ey, ¿cómo decirte? Tú eres el exponente infinito, la X y la suma. Te queda pequeña en la luna. Porque te leo, tú eres la persona más cerca de mí. Si mi ser se

J'ai toujours eu un peu de mal à m'aimer. I've been drinking more alcohol for the past 5 days. Did you check on me? Or did you look for me? I walked in the room, eyes are red, and I don't smoke banga. Did you check on me? Did you check on me? Or did you notice me? Nobody will know the paranoia. I put a smile on my face, a facade you can never face. Ooh. And if you don't know me well, well, oh, you won't see how buried I am inside my grave. Inside my grave. Cause you see people, people, people, people don't really know you. They don't really know you. Cause you see people. Le verre sur Windows Shop, elle smoke la weed comme Wiz Khalifa. Tu m'as envie d'avoir des love affaires, mais je veux pas rester locataire. Elle connaît mon G-A-N-G, suis-moi dans ma fast life. T'es relou, mais les autres font pas le poids. J'espère que t'as compris la phase là. T'es ma black widow, ma baby mama. T'es ma locomotive, chou-chou, baby toutou. Je suis mis dans des galères pour you, Charlie. Piu piu. Elle veut d'un doudou, pas d'un toutou tout mou. T'es ma locomotive, chouchou, baby. Quand tu fais la timide, rien t'es trop mignon. t'écoute. Un moment sans engagement, c'était cool. J'aurais tellement aimé les multiplier, mais j'étais fou. Pourtant j'étais fou. Toi, toi, t'es ma locomotive. Chouchou, baby, toutou. J'me suis mis dans des galères pour you, Charlotte. Piu, piu. Rêve d'un doudou, pas d'un toutou, tout le monde. T'es ma locomotive. Chouchou, baby, toutou. Que un vacío se llena con otra persona te miente. Es como tapar una herida con maquillaje. No se ve, pero se siente. Te fuiste diciendo que me superaste y te conseguiste nueva novia. Lo que ella no sabe es que tú todavía me estás viendo toda la historia. Bebé, ¿qué fue? No, pues que muy tragadito. Estar tirando que al menos yo te tenía bonito.

sans ça mon fait le show. Fontaine vite à la magie, y'a pas de raccourci. Oublie tes soucis, c'est bien faire la folie. Fontaine vite à la magie, y'a pas de raccourci. Oublie tes soucis. Je la connais. chelou. Step

ever seen anybody do the things you do before. Or move for me, move for me, move for me, hey. When you're done, I'll make you do it all again. So they say, dance for me, dance for me, dance for me, oh. You've never seen anybody do the things you do before. They say, move for me, move for me, move for me, hey. And when you're done, I'll make you do it. Away.

mastifique, mastique, trague, trague, mastique. Yo contigo ya no regreso, ni que me llore ni me suplique. Entendí que no es culpa mía que te critique. Yo solo hago música, perdón que te salpique. Me dejaste de vecina la suegra con la prensa en la puerta y la deuda en hacienda. Te creíste que me heriste y me volviste más dura. Las mujeres ya no lloran, las mujeres facturan. Tiene nombre de persona buena. Suena. Tiene nombre de persona buena. Claramente es igualita que tú. Pa' tipo como tú. A ti te quedé grande y por eso estás con una igualita que tú. El amor a lo ya hay un paso. Por acá no vuelvas, me caso. Cero rencor, bebé, yo te deseo que te vaya bien con mi supuesto reemplazo. No sé ni qué es lo que te pasó. Estás tan raro que ni te distingo. Yo valgo por dos de 22. Cambiaste un Ferrari por un Twingo. Cambiaste un Rolex por un Casio. Vas acelerado, dale despacio. Mucho gimnasio, pero trabaja el cerebro un poquito también. Fotos por donde me ven, aquí me siento en rehén. Por mí todo bien, yo te desocupo mañana. Y si quieres traértela a ella, que venga también. Tiene nombre de persona buena. Claramente no es como suena. Tiene nombre de persona buena. Y una loba como yo no está pa' tipo como tú. Toujours près du cœur, à ceux qui m'offrent le monde en mille couleurs. Toujours avec moi, même quand trop loin je file. Avec vous je m'imagine la magie des amis, l'instant se fige. Des années déjà qu'on se retrouve, qu'on se voit. On se crée des souvenirs pour affronter l'avenir. Et tant qu'on rit, tant qu'on le lit sur nous. Ses frères et sœurs dont les parents ne sont pas les miens. À ce doux lien de cœur que l'on espère sans fin. Des pleurs et des rires, des promesses qui se dessinent. Toujours une place pour chacun, à jamais dans nos vies, c'est ça qui prime. Des années déjà qu'on se retrouve, qu'on se voit. On se crée des souvenirs pour affronter l'avenir. Et tant qu'on rit, tant qu'on sur nos visages.

Alten Rascheln, am Skalpell, Vorhaut weg, sehr schön.